Un nom d'Alphonse de Lamartine, enregistré pour LibriVox.org. Il est un nom caché dans l'ombre de mon âme, que j'y lis nuit et jour, et qu'aucun œil n'y voit, comme un anneau perdu que la main d'une femme dans l'abîme des mers laissa glisser du doigt. Dans l'arche de mon cœur, qui pour lui seul s'entr'ouvre, il dort enseveli sous une clé d'airain. De mystère et de peur mon amour le recouvre, comme après une fête on referme un écrin. Si vous le demandez, ma lèvre est sans réponse, mais tel qu'un talisman formé d'un mot secret, quand seul avec l'écho ma bouche le prononce, ma nuit s'ouvre, et dans l'âme un être m'apparaît. En jour éblouissant, l'ombre se transfigure, des rayons, échappés par les fentes des cieux, colorent de pudeur une blanche figure, sur qui l'ange ébloui n'ose lever les yeux. C'est une vierge enfant, et qui grandit encore. Il pleut sur ce matin des beautés et des jours. De pensée en pensée, on voit son âme éclore, comme son corps charmant, de contours en contours. Un éblouissement de jeunesse et de grâce fascine le regard où son charme est resté. Quand elle fait un pas, on dirait que l'espace s'éclaire et s'agrandit pour tant de majesté. Dans ses cheveux bronzés, jamais le vent ne joue. Dérobant un regard qu'une boucle interrompt, il serpente collé au marbre de sa joue, jetant l'ombre pensive au secret de son front. Son teint calme, éveiné des taches de l'opale, comme s'il frissonnait avant la passion, nuance sa fraîcheur des moires d'un lys pâle, où la bouche a laissé sa moite impression. Sérieuse en laissant jusque dans son sourire, elle aborde la vie avec recueillement. Son cœur, profond et lourd chaque fois qu'il respire, soulève avec son sein un poids de sentiments. Soutenant sur sa main sa tête renversée et fronçant les sourcils qui couvrent son œil noir, elle semble lancer l'éclair de sa pensée jusqu'à des horizons qu'aucun œil ne peut voir. Comme au sein de ces nuits sans brumes et sans voiles, où dans leur profondeur l'œil surprend les cieux nus, dans ces beaux yeux d'enfant, firmament pleins d'étoiles, je vois poindre et nager des astres inconnus. Des splendeurs de cette âme, un reflet me traverse. Il transforme en Éden ce morne et froid séjour. Le flot mort de mon sang s'accélère, et je berce des mondes de bonheur sur ces vagues d'amour. Oh, dites-nous ce nom qui fait qu'on aime, qui laisse sur la lèvre une saveur de miel. Non, je ne le dis pas sur la terre à moi-même. Je l'emporte au tombeau pour m'embellir le ciel. Florence, 1818. Fin du poème, enregistré par Ezoie, en Belgique, en août 2017. Cet enregistrement fait partie du domaine public.